je t'en prie, oh camarade, on dirait que tu n'es pas là. Moi je connais ces rigolades, je suis déjà passé par là. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Mais qui est-ce, camarade? Je parle seul, personne n'est là. Alors c'est moi, le camarade, le pauvre con, et le voilà. Yo, ça te dit de baisser un tout? Ouais. 8-9-5 Radio Dio, on est en direct du Démineur. Alors, ce qu'il faut savoir déjà sur cette émission, c'est que ça fait depuis que le Démineur existe que Christophe, qui est bénévole à Radio Dio et qui anime du coup le retour de la guinguette et qui animait avant la guinguette, ça fait depuis qu'il a ouvert le Démineur qu'il nous dit venez, on fait un studio mobile en direct du Démineur. Venez, on fait un studio mobile. Et chaque année, il revient comme ça à une assemblée générale. Chaque fois qu'il vient, un conseiller d'administration de Radio Dio, il dit mais venez, mais en fait, j'ai une idée là, d'un coup là. Venez, on fait une émission en direct du Démineur. Il y a une variante. Il vient à l'AG et il dit quand est-ce que Dio redéménage au Cred Rock, sérieux? Tous les deux ans. C'est vrai. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que depuis le début de l'aventure de ce studio mobile aussi, Christophe, du coup, animateur sur Radio Dio, il nous dit aussi « Mais ça serait trop bien là, de faire un studio mobile ici. » Ce qu'il faut savoir, c'est que l'idée qu'on a de cette soirée, c'était quelque chose qui s'était déjà fait à l'entrepôt. À l'entrepôt café. Ouais, il y a plus longtemps aussi, je crois, c'était pour les 20, les 35 ans de Radio Dio. Il y avait eu une soirée, le retour de la guinguette, Patanegra. Et La France Pu, en direct de l'entrepôt, qui sont, soit dit en passant, des émissions qui sont pas mal diffusées à l'entrepôt et que, généralement, à l'entrepôt, que les gens, ils écoutent. Et quand Radio Dio était au Cred Rock, du coup, les gens, ils montaient faire leur émission. Des fois, ils faisaient l'apéro avant à l'entrepôt café. Ils montaient faire leur émission et après, ils faisaient l'after de leur émission à l'entrepôt café. C'est ça. Alors, pour commencer cette émission, moi je trouvais ça rigolo, là je suis au coin du comptoir du Démineur, de commencer par questionner un petit peu les gens qui sont au comptoir et voilà, savoir un petit peu qui vous êtes et je sais pas, pourquoi vous venez au Démineur? Pourquoi toi, par exemple, toi tu viens au Démineur, toi? Bah pour boire. Ah merde. Oui. Et toi, pourquoi tu viens au Démineur, par exemple? Pour voir les copains. J'ai toujours toute seule au Démineur, mais je suis jamais toute seule. Ok. Et alors, qu'est-ce que vous aimez particulièrement au Démineur? Qu'est-ce qu'on aime particulièrement au Démineur? L'ambiance. L'ambiance. L'ambiance. Et toi, par exemple, s'il y avait un truc comme ça que tu retiendrais particulièrement au Démineur? L'accueil de Piv, qui est exceptionnel quand même. Bon, je vais pas vous demander si vous venez souvent, ça serait un peu indiscret. Par contre, le pire souvenir que vous avez du Démineur, c'est-à-dire la pire soirée que vous avez passée au Démineur, ce serait quoi? La pire soirée? Écoute, j'ai pas de souvenirs comme ça d'emblée. Et ça dit bien ce que ça veut dire d'ailleurs. Ouais, mais c'est souvent que j'entre à quatre pattes chez moi alors. Ouais. Et toi, la pire soirée, la plus mauvaise soirée que t'as passée au Démineur? D'être d'astreinte et de pas pouvoir t'y coller, mais d'être là quoi. Parce que toi, des fois, tu tiens le bar au Démineur. Non, d'être d'astreinte, genre. D'être d'astreinte à côté pour ton le boulot. Ouais, du coup, d'être là. Ah, et quand t'es d'astreinte, du coup, tu viens faire l'astreinte au Démineur. Bah ouais, quand même. Ah ouais. Je suis fidèle. Et la soirée coca au Démineur. Je peux pas profiter autant, quoi. La soirée coca au Démineur, ça se vit bien. J'ai jamais fait, moi. Ça se vit bien, mais ce serait mes pires soirées, entre guillemets, parce que je profite pas comme d'habitude, quoi. Je suis sur le qui-vive. Et alors, plus facile, du coup, le meilleur souvenir que vous avez au Démineur, genre la meilleure soirée que vous avez passée au Démineur. Toi, t'as une idée? Franchement, je pense que ce serait la toute première soirée. Je pense l'accueil. Je reviens sur l'accueil de Pif, quand même. Mais la première soirée, c'est-à-dire la toute première soirée du début du Démineur. Parce que c'était pas la plus folle, mais pour moi, c'était la meilleure, parce que je venais d'arriver à Saint-Étienne, j'étais toute seule, je connaissais personne. C'est la première fois que j'allais au bar toute seule et je suis arrivée au Démineur. Et j'ai été tellement bien accueillie que je me suis sentie super bien à Saint-Etienne tout de suite, grâce aux démineurs et à Pive. Il m'a fait un accueil vraiment exceptionnel. Yeah, et toi, ton meilleur souvenir ? Souvenir du démineur, c'est difficile comme ça, de but en blanc à brûle pour point, je sais pas, écoute, je sais pas. Non, toi tu te souviens pas. Mais je pense que c'est un effet un petit peu particulier comme ça du démineur. Ouais. C'est qu'on peut aussi passer des soirées et pas se souvenir, quoi. Toutes les soirées sont bonnes. Ouais. Toutes les soirées sont bonnes. Voilà, faut venir le dimanche, c'est sympa le dimanche. Dimanche à Valence. Voilà. Pourquoi le dimanche, c'est sympa ? Bah parce qu'il n'y a pas grand chose d'ouvert dans le quartier, que c'est cool, les gens du coin se retrouvent et voilà quoi, tu vois, c'est ambiance plus calme que le week-end et enfin que le week-end, que le début du week-end et voilà quoi. Et, bon, après que dire, j'ai pas analysé le reste. Quoi. Les gens ils s'achèvent le dimanche. Et c'est une bonne ambiance le dimanche. Et alors, si je vous demandais comme ça, comment, s'il fallait présenter le démineur à quelqu'un qui ne connaîtrait pas, qui serait jamais passé ici, comment vous le présenteriez le démineur ? Est-ce que vous diriez quoi ? C'est quoi le démineur finalement ? Je sais pas, moi j'amène tous mes potes et ma famille, tous ceux qui viennent me voir à Saint-Étienne, je les amène au démineur. Comment je leur présente Tu leur dis quoi, par exemple? Tu leur dis viens, on va... Ah ouais, je leur dis pas trop, en vrai. Je leur laisse la surprise et ils sont jamais déçus. Personne n'a jamais été déçu. Mais je saurais pas trop comment le présenter, ouais. Je laisse la surprise à chaque fois. Je préfère faire venir les gens que leur dire avant. Et toi, par exemple, quand tu parles du démineur, tu te présentes comment? Bah, comme un lieu sympa, alternatif... qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Subversif, où on passe des bonnes soirées, où il y a du bon fromage et de la bonne charcuterie et de la picole et voilà quoi, et de la musique et un décor hors du commun, voilà. Et alors qu'on est un peu à l'aube de la fermeture là, ouais. Qu'est-ce que vous regretterez au démineur? Eh ben, moi, faut que je me trouve un point de chute. Faut que je me trouve un point de chute, moi, parce que c'était vraiment le bar. C'est le bar où je vais vraiment toute seule et où je retrouve des gens, mais à qui je donne pas forcément rendez-vous. Et du coup, j'ai pas encore retrouvé de bar comme ça à Saint-Etienne. Sinon, les autres, je sors avec des copains et tout. Ouais, dans la merde, ouais. Mais alors que là, le bar pour sortir toute seule, eh ben, je sais pas trop. C'est ça que je regretterais. Et toi, par exemple, c'est quoi que tu regretteras au démineur ? Oh, bah, à peu près tout, quoi. L'ambiance, les gens qui viennent, voilà, quoi. On vient pour les gens qui sont là, en fait, et puis pour le taulier, donc voilà, quoi. On regrettera de plus le voir, on regrettera de plus voir les gens. Enfin, on les verra ailleurs, mais bon, ça sera pas la même ambiance. Vivre à 30 à l'heure, les yeux rivés sur le compteur, ceinture cintrée sur le palpitant, vitre teintée sur les amants qui passent, assez lassés de son bonheur, le cœur huilé comme un moteur. Aucun danger d'accident, elle a lavé nos sentiments. À coups d'essuie-glace, depuis je fonce à 100 sur les boulevards. À chaque virage, j'entends les gyrophares. Alors j'enfonce la pédale sur le plancher. Dans mon sillage, la fauche va se pointer. Je ne suis point mort, mais en warning. Exténuée par notre voyage, elle m'a jeté tous nos bagages en pleine face. Les phares s'effarent et moi je me mine. Je pleure comme un gosse sur le parking. frotterai sur l'embrayage, le cœur noyé dans un mirage. Bon pour la casse, depuis je fonce, à 100 sur les boulevards. À chaque virage, j'entends les gyrophares. Alors j'enfonce la pédale sur le plancher. Dans mon sillage, la faucheuse va se pointer. Je suis mal barré. Tout s'efface. Le lys qui glisse au désespoir. Où j'y grillais de notre histoire. Passage d'amour trop assuré. J'ai jamais pu la rattraper du volant. Je suis pas un os. Depuis, je ne fonce plus sur les boulevards. J'entends à peine le bruit des gyrophares. Je m'enfonce dans l'ambulance lancée. Et dans l'orage, la faucheuse m'a fauché. Les petites nacelles sur le 8-9-5 de Dio et on est toujours en direct du démineur. J'adore les micros sans fil parce qu'on peut se déplacer et se mettre où on veut. Alors moi là, aussi, c'est le moment un petit peu de te présenter. T'es qui toi? Non mais t'es qui toi? Eh ben mes parents m'ont appelé Christophe, étonnamment. Et en plus, je fais de la résistance à Père Drio parce que mon père s'appelle Le Maire. Ah. Ma mère est sicilienne, mon père est Apelou. Voilà. Et c'est grâce à eux qu'il y a le démineur, il faut le dire, merci à mes parents, hein, parce que c'est un petit peu une revanche sur ma vie. Si, je pense que ma mère m'a compris. Tu m'as compris? Une revanche sur quoi, maman? Sur tout un vécu. C'est-à-dire, toi, tu l'as vu comment toi, tu le vois comment, le fait qu'il ait ouvert le démineur? C'était quoi, un petit peu, qui était marquant pour toi, en tant que maman? C'est un challenge de sa vie, vraiment, qui voulait réussir, par rapport à tout son vécu, qui n'était vraiment pas si facile que ça. Et je pense que je suis vraiment fière de lui parce que par rapport à tout ce qui s'est passé, c'est un gamin qui aurait pu mal tourner. Ah ouais. Et là, en ouvrant le démineur, il n'a pas mal tourné. Non, mais il n'a jamais dévié. Il n'a jamais dévié malgré son vécu. Il n'a jamais dévié. Il s'est donné toujours les moyens d'avoir toujours des projets dans la tête qu'il a pratiquement toujours mis, même pas pratiquement jusqu'à présent. Il a tout réussi ses projets. Je souhaite de réussir surtout le prochain aussi. Eh ben ouais. Ça lui tient énormément à cœur aussi. Mais je suis fière de lui, moi, en tant que mère. C'est pas parce que c'est mon fils, mais je suis fière que lui. Et puis, autre chose, eh ben, puisqu'on est dans la radio, il faut quand même vous dire que c'est un petit peu prédestiné, tout ça. C'est-à-dire, c'était prédestiné? C'est-à-dire qu'à l'âge de 6 ans, déjà, il avait son petit micro, il animait quand on avait des fêtes à la maison, des amis qui venaient. Et il faisait le DJ, l'animateur, il faisait des jeux, il faisait des animations musicales. Il écoutait de la musique pourrie comme maintenant. On a même des cassettes de lui. Oui. Ben, il faisait un petit peu tout ce qui se passait à l'époque quand il avait 6-8 ans. Hein. Donc on a quand même une cassette qu'on a gardée précieusement. Je ne l'ai pas encore retrouvée parce qu'on a déménagé, mais on la retrouvera, ça c'est sûr. Et vous, quand il fait des émissions à la radio, vous l'écoutez? Je suis derrière. Ah ouais, vous écoutez toutes les émissions? Je danse sur ses musiques, je commande ses musiques. Et il y a des fois, vous vous dites, mais qu'est-ce qui passe là? Il est encore en train de passer de la musique d'énerver là, non? Des moments, bon, mais c'est son style. Et puis, de toute façon, il est tout style. Hein. Il est vraiment, au niveau musical, vraiment, il aime bien la chanson française, mais il aime toutes les musiques possibles, imaginables. Jean-Luc, hein, je pense que... Hésite pas à prendre le micro. Ouais. Oui, et puis bon, c'est vrai qu'il fait de la radio depuis très très longtemps. Il a commencé son stage à Chérie FM, qui était à Place d'Orient. À quel âge? 15 ans. À 15 ans. Il voulait à tout prix. Et c'était où chez RFM, du coup, quand il avait 15 ans? À Place d'Orient. Place d'Orient. Oui, voilà. Il a fait plusieurs mois. Il est sur un an. Hein, tu as fait ton stage comme ça. Et il rêvait vraiment d'être animateur radio. Sauf qu'à l'époque, eh ben, c'était pas si facile que ça. Il n'y avait pas tellement de débouchés. Il fallait surtout avoir pignon sur rue, connaître pas mal de gens pour pouvoir vraiment déboucher. Mais n'empêche, c'est un projet qu'il a eu et qu'il a maintenu. D'abord, ça fait 27 ans qu'il fait de la radio. Il a commencé avec RSF, je crois que c'est, ou TSF, je ne sais plus. Oui. Ouais, j'ai fait aussi une émission à RSF. Ben voilà, au départ, là, en fait, j'ai fait 4 émissions à Radio Duo. J'ai fait la première en 97, Sida en tête. Avec, ouais, voilà. J'étais objecteur de conscience, je travaillais pour Aide dans la prévention sur la toxicomanie et puis tout ce qui était pathologie, VIH, voilà. Et j'étais un peu leur DJ, j'intervenais aussi. Et puis après, ma directrice qui s'appelait Nicole Contardeau, que je remercie encore parce qu'elle a été vraiment pour moi, elle m'a soutenu dans... Dans mes galères, faut le dire, hein, parce que voilà, on peut, je peux en parler, je m'en fous de dire les choses à la radio. J'ai eu un gros souci avec la police en 97. Ça faisait 2 mois que j'étais à Radio Duo et j'étais incarcéré en comparution immédiate, voilà, pour outrage, rébellion, violence sur la police, alors que c'était eux qui m'avaient un peu, bref, éclaté le nez. Vous voyez mon blaze ? Là, vous voyez pas la radio. Enfin bref. C'est du passé. Et du coup, elle m'avait proposé une émission sur ASF, Si on se disait tu. Donc, c'était bien cool. On invitait des gens et on se tutoyait. On les connaissait pas. Voilà, il y a eu plein d'émotions dans plein de radios différentes. C'est vrai que... mais quand même, ma radio de cœur reste Radio Duo. Voilà. 27 ans de Radio Duo. Parce que c'est quand même eux qui m'ont tout appris. Je le répète, Jibus, Captain Bob, Captain Christophe, Bob. Ouais. Tous les gens qui sont passés à Radio Duo. Voilà, vraiment des gens géniaux et qui sont partis très tôt. Très très tôt. Et moi, c'est vrai que quand je parlais de revanche, en fait, ce bar, je l'ai ouvert. Je peux le dire même en direct. Là, je ferme dans pas longtemps. Je voulais un bar où voilà, où il y a tous les âges, toutes les personnes. Moi, j'ai jamais refusé personne, sauf voilà, ma limite, c'est les gens qui volent les gens qui sont agressifs. Et encore, je pense que j'étais cool parce que je suis une fois, deux fois, trois fois. La troisième, c'est bon, on y va. Voilà, mais j'ai toujours été un peu comme ça. Projet réussi pendant 7 ans quand même. Voilà, et puis j'ai toujours laissé fumer dans le bar. On peut le dire en direct, je m'en fous. Voilà, il n'y a pas de drogue dans le bar, hein, c'est en dehors. Chacun fait ce qu'il veut en dehors, ça c'est chacun son souci. Mais voilà, j'ai laissé un peu un esprit ouvert à tout le monde. Avec voilà, ce bar, je l'ai fait comment ? C'était un local vide. C'était anciennement, d'ailleurs, vous le voyez, ça reste un peu brocante. C'était une brocante il y a 20 ans en arrière, où je venais hein, quand j'étais gamin. Et du coup, ben, je me suis dit, je vais faire qu'avec de la récup. Et voilà, j'ai fait tout en palette, j'ai récupéré les tables, les chaises. D'ailleurs, merci aux... Non, je ne veux pas le dire. Enfin voilà, ceux qui m'ont donné les affaires, c'est des gens, forcément, ce n'est pas mes amis, mais en tout cas, j'ai quand même tout récupéré, que ce soit les tables, les chaises, les frigos, ils m'ont tout donné. J'ai dit, bah, vas-y, envoie, vous avez plein de thunes, et ben, moi, je les récupère. Voilà, il faut le dire aussi, les choses. Et voilà, j'ai réussi à créer ce lieu, et la première année, j'ouvrais que le vendredi, samedi, dimanche, que j'étais éducateur à côté, juste à côté, à Triangle. Donc on est dans le triangle des Bermudes, mais j'étais déjà dans un triangle autre. Qui m'a beaucoup formé d'ailleurs, parce que c'est un le bistrot social, c'est un bar. On n'était que deux quand même, on accueillait 120 personnes, on faisait des repas pour 120 personnes. Bon, il n'y avait pas d'alcool, même s'il y en avait dehors, parce que la rue, elle est à tout le monde. Mais voilà, ça m'a formé aussi pour arriver au démineur. Et du coup, c'est vrai que bah, moi, ce que j'adore du démineur, c'est qu'il y a plein de gens différents. Bon, il y a eu quelques embrouilles en ces temps, mais il n'y a jamais eu de grosses bagarres. Il y a eu des patates qui sont parties, comme dans tous les bars, mais il n'y a jamais eu de grosses embrouilles, et heureusement. Et moi, je remercie tout le monde. Je remercie vraiment tous les gens qui ont fait vivre ce lieu, parce que c'est vous qui avez fait vivre le lieu. Et moi, rien que ça, je remercie vraiment les gens. Et alors, au tout début, comme ça, là, du coup, t'es éduque à Triangle. Et alors, d'où ça vient cette idée, comme ça, d'ouvrir un bar ici, alors, déjà dans le Triangle des Bermudes. Et quand même, j'ai l'impression que, en fait, t'ouvres pas seulement un bar comme ça. Et ben en fait, cette idée, elle est venue de Radio Duo. Quand j'ai commencé la guinguette, j'avais dit un jour, parce que j'avais mon meilleur pote, où il y a tu vois le poster Coluche, là, tous les hommes naissent libres, égaux en droit, ensuite ils se mettent à boire. C'était dans un bar à Roche-la-Molière qui s'appelle l'Express Pub, qui a duré 7 ans d'ailleurs. Je l'ai revu, Thomas. Thomas, si tu nous écoutes, merci à toi en tout cas pour tout. Et j'avais dit, ben, à mes 16 ans, hein, j'avais dit, j'ouvrirai une guinguette le jour de mes 40 ans. Et ce que j'ai fait, le 9 octobre 2016, j'ai trouvé le local, j'ai vu la petite terrasse, j'ai déjà vu comment j'allais aménager. J'ai dit, ben, en avant Guingamp, en arrière Auxerre, sur le Teco, Oyo. Et donc, au départ, ton idée, c'est d'ouvrir une guinguette. Voilà. Pourquoi une guinguette ? Bah, parce que le mot guinguette, je crois que c'est vraiment moi et Luc avec qui je faisais l'émission au début. où on a remis ce mot guinguette. En fait, ça venait d'un... Il y a un petit bled qui est sur la route Napoléon qui s'appelle La Guinguette, où il y a peut-être 10 maisons. C'est marqué La Guinguette barrée. Donc, c'est une sorte de petit lieu-dit. Puis j'ai dit La Guinguette. Et puis je me rappelais, La Guinguette, vous savez ce que c'est une guinguette, hein? Une guinguette, normalement, c'est au bord de l'eau. Bon, on a le Furan qui est pas bien loin, il coule dessous. Mais normalement, voilà, c'était dans la Marne, c'était pendant l'après-guerre. Tout le monde allait en vélo au bord de l'eau, guinché, comme on dit, voilà, avec des guirlandes, comme il y a un peu. J'ai recréé une ambiance guinguette, même si sur le guide de Routard, ils m'ont dit on dirait tout sauf une guinguette. Bon, ce qui est vrai, ça dépend à quelle heure. Hein. Si vous êtes là à 5h du matin, c'est vrai que c'est pas pareil qu'à 5h de l'après-midi. Les choses ont évolué, comme on dit. Non, mais c'était un projet, comme mon projet d'agriculture. C'est tout venu en même temps. Quand j'avais 16 ans, j'ai dit, ben, je le ferai ou pas. Et ben, voilà, je l'ai fait. Ah bah merde, il a tout fait, lui, tout ce qu'il avait projeté. Comment tu fais ça? Ouais, j'espère avoir d'autres projets, tant que je suis vivant. Ouais. Et moi, je me demandais, en fait... c'est pas qu'un bar ici, et au niveau statut, c'est quand même un peu particulier. Par rapport aux voisins, t'es pas vraiment un bar, t'es un bar associatif. Alors, pourquoi je suis pas du tout associatif, je suis monté en société, je me suis mis dans la légalité, justement, pour ma revanche contre la police. Et ma devise, c'était, de toute façon, le jour où les flics qui viennent me casser les couilles, ils rentreront pas, d'ailleurs, ils sont jamais rentrés. Et j'avais dit, si un jour, vraiment, ils me cassent vraiment les couilles, je leur donne les clés et je rentre à pied. C'est pas arrivé, il reste 15 jours, j'espère pas. Mais voilà, c'était un peu mon idéologie de base, me dire voilà, ils m'ont fait chier pendant 10 ans de ma vie, du harcèlement, ils m'ont mis deux fois incarcéré pour des outrages rébellions que j'avais rien fait, enfin voilà. Donc j'ai une période un peu énervée, tu m'as connu, on m'appelait Monsieur Relou. Voilà, où j'étais alcoolisé 24-24 pendant... Ouais, ça a duré 6 mois. Après, je me suis dit, bon là, tu te rappelles de rien, il faut un moment te réveiller. Et je me suis réveillé. Et j'espère que je suis encore bien vivant. Tu t'es réveillé dans un bar, quand même. Bah pas que, j'ai quand même été animateur, éducateur, j'ai fait de l'intérim, j'ai fait tous les boulots du monde, je crois. Il n'y a pas beaucoup de boulots. Je crois que les boulots, je ne sais même pas, il faudrait que je regarde, mais je crois que j'ai bossé dans tous les domaines, que ce soit traitement de charpente, casino, tous les entrepôts, toutes les usines de Saint-Etienne, je crois que je les connais, Titoulet, tout ce que, bah, voilà, tout le monde a bossé à Titoulet, Cellux, voilà, j'ai bossé dans des trucs voilà, qui existent encore d'ailleurs, casino un peu moins, mais bon. Voilà, c'est toujours les mêmes qui prennent le pognon et qui ferment les bordels. Mais bon, voilà, non, moi, c'était le but, c'était vraiment de... Moi, de toute façon, c'est même pas un but. Moi, dans ma vie, c'est que les gens soient heureux autour de moi. Déjà, mes parents, de voir mes parents heureux et de voir mes amis heureux, bah, ça, c'est... j'ai tout gagné quand je vois ça. Et alors, tu te lances dans le monde de l'entreprise, là, comme ça, t'ouvres ton bar, boum. Mais comment tu fais pour les sous? Comment tu fais pour le matos? Comment tu le crées, cet espace? Et bien, comme je te dis, c'était que de la récup. Le local était vide. C'était du béton, du placo qui n'était même pas fini, quoi. Enfin, c'était du placo, quoi. Et puis, ouais, j'étais parti sur un cadre. D'ailleurs, voilà, tu vois comme quoi le démineur, il finit au bon moment. Quand j'ai ouvert le bar, ce cadre qui est le logo du démineur, il s'appelle... Alors, je ne sais jamais si c'est Christian Favergeon. Voilà, il était de la Ricamari et au bout de 3 mois, il y a une fille qui rentre chez moi qui bloque sur ce cadre du que coup, j'avais depuis 20 ans chez moi. Pour les gens qui sont à la radio, en fait, il y a un cadre au-dessus du bar voilà. Où on voit un mineur de fond, la gueule bien noire comme ça. Et voilà, et quand j'ai ouvert, et ben, au bout de 3 mois, il y a une fille, elle bloque dessus, elle me dit « c'est mon grand-père ». J'ai dit « non ». Et elle me dit « il est vivant ». Pour un mineur de fond, 87 ans, et paix son âme, il est mort cette année. L'année de la fin du démineur, comme quoi les choses ont un début et une fin. Et en tout cas, voilà, moi, pourtant dans ma famille, j'ai pas eu de mineur. Après, j'ai vécu à Roche-la-Molière. Voilà, il y a beaucoup de mineurs. Donc, tout ce que vous voyez chez moi, ça, c'est Roche-la-Molière, c'est le Puy-Charles. Ça, c'est tous les Polonais de Roche-la-Molière. D'ailleurs, quand vous regardez leur tête, je retrouve des gens, ils ont la même tête. Et c'est 2 générations après, un truc de ouf. Et voilà, c'était aussi de donner un sens à ce lieu, voilà, autour de la mine de Saint-Étienne. Tu vois, il y a un peu des verts, mais bon, c'est pas que le foot. Moi, pour moi, l'important, c'est vraiment que les gens soient heureux, qu'ils se sentent bien, être tranquilles, surtout. Et alors, comment on fait dans un bar pour que les gens ils soient heureux? Bah, je pense que la musique, déjà, elle joue beaucoup. Ouais. Si tu mets de la musique de merde, bah, forcément. Non, la musique joue beaucoup. Et puis, voilà, comme tu parles avec les gens. Après, moi, je suis quelqu'un d'assez cool, mais j'ai mes limites, comme tout le monde. Je pense que j'ai jamais tapé personne, j'ai jamais agressé personne. Bon, des moments que je peux être plus rock'n'roll, on est humain. Je veux dire, il y a des jours on va mieux, on va moins bien, comme tout le monde. Moi, j'ai toujours été, je pense, respect aux gens. Les gens qui m'ont pas respecté, je leur ai dit une fois, deux fois, trois fois, et basta. Le démineur, du coup, c'est un bar. Ça ouvre. Au début, tu ouvrais pas tant que ça. Hein. Alors, le démineur n'est pas un bar. C'est pas un bar. C'est quoi alors? Le démineur n'a pas de licence 4 depuis 7 ans. Il n'en a jamais eu. C'est... Alors, moi, je suis en statut, je suis restaurant. Et pas... attention, par contre, tout le monde me dit restaurant quand tu fais de la bouffe. Toute l'année, depuis 7 ans, je fais des plans de charcuterie fromage et je faisais des plats du jour. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, là, j'ai levé le pied parce que, bon, tout faire tout. Je suis tout seul. Hein. Tout faire tout seul, il y a un moment où tu t'épuises et. À un moment, je me suis dit, là, tu es en train de t'épuiser trop, plus les fermetures qui durent jusqu'à point d'heure, parce que bah, j'ai des amis qui aiment bien boire comme moi. Alors moi, c'est vrai que je bois pas quand je suis derrière le démineur, sauf aujourd'hui, je suis de l'autre côté. Mais en général, ouais, je vais boire 2-3 galops, et puis si je ferme les rideaux et que voilà, je sens bien l'ambiance, ça m'arrive de boire des canons quand même, hein, je vais pas cracher dessus. Mais c'est vrai que pour gérer un bar, je pense qu'il faut pas picole, quoi. C'est un moment où tu peux pas gérer un bar et picoler en même temps. C'est sûr qu'en hygiène de vie, mais justement, t'as prononcé fermer le rideau. Je trouve ça, il y a aussi un truc, c'est important, on a fait tourner un peu au démineur, c'est aussi quand le rideau il se baisse qu'il se passe autre chose quand même, non? Ah ben il se passe d'autres choses, ouais, c'est plus, encore plus décontracté. C'est plus verveine. Voilà, il y a de la bonne verveine aussi, alors c'est vrai qu'au début, on était beaucoup génépi au départ, alors tu vois, pourtant on n'est pas de la montagne, mais bon, on a un peu de la montagne, on est à 500 mètres à Saint-Thé. On était génépi à bord, et puis je sais pas, à un moment, mes parents faisaient de la verveine depuis des années, on faisait 120 litres par an, on peut le dire, hein. 120 litres par an, parce qu'il y avait de l'alcool, et c'était de la bonne verveine, et j'ai retrouvé une verveine presque la même que vous faisiez, qu'on faisait ensemble. Hein. Et c'est vrai que voilà, c'est devenu un peu... la verveine, c'est un peu le totem du démineur, on peut dire. Hein. Je sais pas si on peut dire ça. On peut dire ça, Jean-Luc ? Je sais pas, j'en ai jamais bu, mais... Non, c'est vrai, je suis pas... Mais lui, une verveine ! Non, ça ira. Ouais, alors moi, je voulais juste rajouter un petit truc, c'est que c'est vraiment un lieu d'ouverture. Alors moi, j'ai une histoire un peu particulière. J'étais directeur d'un centre social à Saint-Chamond. À la retraite, ça fait déjà 8-9 ans. J'étais un peu paumé, hein, parce que la retraite, c'est pas toujours simple. Et j'avais besoin d'un lieu social, donc j'avais envisagé des lieux sur Saint-Thé, puis non, je me suis pas retrouvé. Et ici, ben, y a vraiment un truc, c'est complètement atypique. Hein. Et ce qui m'intéresse, c'est que c'est un lieu imparfait. C'est-à-dire qu'il y a plein de défauts, puis il a des défauts, tout le monde a des défauts. Je veux dire, c'est un lieu imparfait. Et je trouve que du coup, c'est un lieu qui permet plein de choses, parce que justement, il n'y a pas cette recherche. Aujourd'hui, on va vers des lieux où c'est tout aseptisé, où les murs sont gris, sont blancs, sont machins, c'est la mode, hein, tous les machins franchisés. Et là, il y a vraiment de la vie, c'est vraiment de l'humain. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un lieu humain. Je crois que c'est vraiment ça le plus important. Alors, encore une fois, il y a plein de... Bah, voilà. Mais ça vit, ça discute, il y a des rencontres, il y a plein de choses, il y a des débats, c'est un lieu hyper... je crois que ça va manquer. Enfin, des lieux comme ça à Saint-Étienne, il n'y en a pas 36 000. Et je trouve que... Bon, mais en même temps, je comprends très bien que Puyvine arrête, parce qu'il y a un moment où c'est pas, ça demande quand même beaucoup. Mais c'est vraiment un lieu... Moi, j'ai rencontré... Je démarrais à Saint-Étienne, parce que j'habite à Saint-Chamond. Et c'est vrai que j'ai rencontré plein d'amis dans ce lieu-là. Enfin, c'est vraiment un lieu de rencontre. Et c'est un lieu d'ouverture. Moi, j'écris un peu, je fais de la course à pied, donc ça n'a pas grand-chose à voir des fois avec le bar, mais quand même. Et du coup, j'ai des petits bouquins, des trucs ici. Enfin, ça permet d'échanger plein de choses. Mes petits-fils qui ont 5 et 10 ans, ils adorent venir ici. Enfin, ils prennent des jeux, ils jouent. Et c'est un côté, c'est-à-dire que c'est ouvert à tout le monde. C'est pas qu'uniquement un lieu où on picole. C'est pas que ça. Alors, il y a des périodes, moi, je les amène pas à minuit, évidemment. Mais quand on vient entre 5 ou 6, 7 heures, ils boivent leur grenadine et ils jouent. Et c'est vachement bien parce que c'est pas tous les endroits qui permettent à des gamins d'être à l'aise aussi. Donc, merci à Pif pour tout ça. Et je pense que vraiment, ça a été c'est un lieu qui a marqué et qui marque plein de gens. Et alors, en tant que lieu, du coup, hein, c'est un espace de convivialité, mais c'est un espace aussi où, comme tu le disais, il s'est passé plein de choses. Tu dis, il y a des jeux, il y a des gens qui posent des trucs. Finalement, comment ça se passe un petit peu, Christophe, toute l'animation un petit peu de ce qui se passe dans le lieu? Est-ce que c'est les gens qui proposent? Est-ce que c'est toi qui un petit peu programme les trucs? Comment t'as fait là pendant 7 ans pour animer ce truc? Vous connaissez Tony Micheli? Ah ouais, madame. Ben voilà, c'est un peu l'homme à tout faire. Non, mais en fait, c'était un souhait aussi de bosser tout seul. Parce que voilà, j'ai bossé éducateur, tu bosses dans des équipes, alors qu'ils peuvent être géniaux ou pas. J'ai le social, c'est vrai que moi, j'étais parti dans le social. Au départ, je voulais faire un site. C'est vrai que j'adore, j'ai toujours aimé les enfants, voilà, le rapport avec les gens, déjà. Et puis, je sais pas, j'étais pas trop étude. C'est vrai que la fac, ça m'a pas trop motivé. À part fumer des pétards à la fac, je crois que là, il y a un moment, j'ai dit la fac, c'est pas pour moi. L'amphigio 1. L'amphigio 1, ben, on fumait au-dessus de l'amphigio 1 pendant des années. Puis à un moment, j'ai dit non, c'est pas mon truc. Puis à un moment, il y a l'armée qui tombe. Bon, il y avait encore l'armée, hein, de mon époque. Et je voulais pas faire l'armée, j'aime pas les armes, donc j'ai objecteur. Et je suis le dernier objecteur de France, faut le savoir aussi. Le dernier, donc... Et à l'époque, les objecteurs étaient subventionnés par l'État, et là, plus. Et ben, j'ai eu de la chance de trouver Stéphane Kredlich, qui doit être à côté à la MAP, qui m'a accueilli d'une façon magnifique, avec Nicole, avec toute leur équipe, et là, j'ai dit, bah, c'est là que je signe. Et ils ont quand même pris mon salaire en compte. C'est-à-dire que c'est eux qui payaient pour une petite asso. Et je te dis, 2 mois après, bon, j'ai eu ces soucis avec la police. Mais ces gens-là, tu vois, je leur dois beaucoup parce que je pense que j'aurais pu perdre pied s'il n'y avait pas eu mes parents et ces gens-là. Voilà. Et du coup, ça m'a mis une grosse patate dans ma gueule. Et je me suis dit, là, faut pas lâcher l'affaire. Et à un moment, fais ce que tu as envie de faire. Enfin, je l'ai toujours fait un peu plus ou moins. Mais bon, quand t'es gamin, tu t'éparpilles un peu. Puis à un moment, je sais pas si c'est l'âge de raison, j'en sais rien. Je sais pas si j'ai encore trouvé la raison, mais bon, j'ai pas toujours raison. Et alors, les groupes que t'es trop content d'avoir fait jouer ici? Ben, j'ai bien aimé tes potes. Quoi, avec, vitesse et précipitation. Ah ouais, j'ai vraiment kiffé parce qu'il y avait un truc décalé qui m'a vraiment plu. Et tu vois, tu me demandais comment je trouve les groupes. Et bah, c'est les gens qui souvent qui me disent bah, j'ai un groupe qui irait bien. Moi, dans je l'ai mon beaucoup bar. Dit. Voilà. Alors, c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de groupes avec des batteries. J'en ai fait 2-3. Le lieu est trop petit. Et après, voilà. En plus, j'ai des grosses acouphènes. Donc voilà, la batterie dans le lieu, c'est compliqué pour moi. Et pour les gens, hein, je pense que le lieu est quand même, ça résonne très vite. Mais j'ai fait beaucoup de trucs en acoustique, des mix, des découvertes, des gens qui n'avaient jamais joué, comme il n'y a pas longtemps, il y a Rouge Cassis qui est venu. Ils n'avaient jamais joué de leur vie, ils étaient hyper contents. Et ben voilà, moi ça me fait plaisir de faire jouer aussi des gens qui débutent et de donner la chance aux gens, comme à la radio d'ailleurs. À la radio, alors vous allez halluciner ce que je veux dire, mais il y a des moments où je vais passer des trucs, c'est pas forcément ma tasse de thé, mais je vais trouver une chanson qui me plaît. Et j'ai envie de faire découvrir ce groupe et me dire... Alors, priorité aux groupes locaux, c'est vrai, j'aime bien faire découvrir d'abord les groupes qui sont de chez nous, mais ça dépend des rencontres. J'ai été un peu de partout et j'ai voyagé pas mal en France aussi. Yeah, on j'aime bien la Bretagne. Moi, je propose que du coup, puisqu'on parle de musique, on fait une autre petite pause musicale et on écoute un des morceaux de ta sélecta. Alors ça, c'est le meilleur morceau qu'il va me mettre, parce que ça, c'est vraiment le début de la guinguette en 98 avec Luc. Les Ouris, c'est un petit peu les VRP stéphanois de un peu partout. Il y avait un luthier de la Haute-Loire. Puis après, ils avaient créé une caravane qui s'ouvrait et ça guinchait. Ça s'appelait La Guinche, d'ailleurs. Pour l'anecdote, quand il cherchait dans la discothèque de Radio Dio, en fait, il a commencé par Z au lieu de commencer par... Eh oui, j'ai commencé par... J'ai cherché Zouris, les Ouris. Il a raison, il y a moins de disques à Z, on s'y repère mieux. Les usines, on assassine les enfants de 17 ans qui rêvaient aux Amériques. Yes, I, Rastaman attitude, Babylon Society, ha ha ha. J'suis dans un bled un peu paumé, dans une cité où le père n'opère mes billets, ta condition d'ouvrier. Alors écoute-moi. Le bonheur appartient à ceux qu'ont les ouvriers qui se lèvent tôt. Le bonheur appartient à ceux qu'ont les ouvriers qui se lèvent tôt. Le bonheur appartient à ceux qu'ont les ouvriers qui se lèvent tôt. Ce qu'ont les ouvriers qui se lèvent. écoute, man, il faut te réveiller. Pense marketing révolutionnaire, il faut créer ta boîte. Pas besoin de penser à la révolution. Et si tu veux palper le fric, vends de belles images mythiques de vos brins aux cheveux longs. Che Guevara. Pour la montre, stylo, le porqué, papa le zippo. Et bravo, bravo. Ceux qui ont des ouvriers qui se lèvent tôt, le bonheur appartient à ceux qui ont des ouvriers. Le bonheur appartient à ceux qui ont des ouvriers qui se lèvent tôt. Le bonheur appartient à ceux qui ont des ouvriers qui se lèvent tôt. Le bonheur appartient à ceux qui ont des ouvriers qui se lèvent tôt. 8-9-5, Radio Audio et Petit, Couac en direct. Et oui, on parle, et puis on sait plus où on est, hein. Et ouais, là, je suis à un autre endroit du bar, et du coup, je voulais te demander, toi, par exemple, ça fait longtemps que tu viens en démineur ? Je suis pas venu tout au début, mais ça fait bien 6 ans, ouais. Ah ouais. Et alors, c'est quoi que t'aimes dans le démineur, toi ? Tout ce qui est dangereux. Tout ce qui est dangereux, mais c'est quoi qui est dangereux, démineur ? Il y a des trucs dangereux, ici. De rester trop tard, comme il a dit. Ah ouais. Quand tu fermes les rideaux, c'est dangereux. Et quand tu sors la verveine. Et tu pars tout seul ou c'est lui qui te demande de partir ? Il part avec nous. Ah ouais, ouais. Ça se passe comment une fermeture des mineurs ? Enfin déjà, c'est à quelle heure ? Bonne question. Ça ferme jamais. Ça ferme jamais ? Oh, il y a bien un moment où vous fermez les volets quand même. Une fois, il m'avait même oublié dedans. Non, il t'avait oublié dedans ? Ouais. C'est vrai ? Ouais. Mais Et comment t'as fait ? T'as attendu la prochaine ouverture ? Par derrière. Non, regarde toujours. Je suis passé par derrière. Et alors, un bon souvenir, toi, que t'aurais dû des mineurs ? Il y en a trop. Il y en a trop ? Tous les vendredis soirs, les dimanches, il y en a beaucoup. Ah, les dimanches, ça revient souvent. Hein. Le dimanche, comme il dit, c'est avalanche. Dimanche avalanche. Pourquoi dimanche avalanche ? Je sais pas pourquoi dimanche. Pourquoi dimanche avalanche ? Ça sonne bien hein, comme ça, mais on comprend pas trop. Hein. Parce qu'en fait, derrière le démineur, je bois pas d'alcool quand je travaille, à part 2-3 galops. Par contre, le dimanche, je me lâche un peu, en fait. Je me dis que voilà, le quartier est un peu plus calme, il n'y a pas tous les autres bars. Il n'y a que mes amis. Bon, quand je vois que je suis bourré, si je m'en rappelle, j'arrive à fermer avant, mais des moments, non. Alors, une autre anecdote. Ça, c'est une anecdote, puis c'est dommage, je ne l'ai plus. C'est un jour, on est resté là jusqu'à 8h du matin, mais vraiment ouvert. Vraiment ouvert, quoi. La porte était ouverte. Et puis on dansait sur la Mano Negra, on était 4-5, oh, des furieux. Hein. Et puis il y a un pote, il vient me voir, il me dit « Pive, t'as vu ?» Et je regarde, je vois 10 flics devant. Et puis ils avaient les bras croisés, ils me regardaient, mais ils bougeaient, potes. Et je me suis dit « Bon, je vais aller les voir quand même. » Je leur demande « Ça va ?» Ils me disaient « Vous ?» Je dis bah pas mal hein, au fond de Mano Negra, et apparemment on entendait la musique du Cred Rock. Il y a des gens qui étaient en haut du Cred Rock qui entendaient. C'est vrai que j'avais un autre ampli qui était un peu plus costaud. J'ai calmé d'ailleurs. Et du coup ils me disent vous ouvrez ou vous fermez. Donc je savais pas trop quoi dire. Je leur ai dit non, on n'a pas fermé, mais on va fermer. Et du coup on a fermé à 9h du matin. Mais ils m'ont pas mis l'amende, hein, tu vois, comme quoi. La seule amende que j'ai eue des flics qui sont pas rentrés, je l'ai dit tout à l'heure. C'est à 1h15, je mets salade de fruits de Bourville, un peu à fond, mais quand même salade de fruits, et ils m'ont mis une amende de, je ne sais plus combien, 160 balles. J'ai dit, je la prends, c'est bon. Mais bon, pour te dire dans quel monde on vit. Et alors, est-ce que tu as des souvenirs, toi, de, par exemple, enfin, ou des moments où tu ne te souviendrais pas, où finalement, c'est le bar qui s'est tenu tout seul ? Alors moi, je me suis endormi 2 fois au bar, au tout début. Je me suis endormi, pas, il s'en rappelle. On revenait d'un match, j'avais pris une grosse cuite le jour d'avant et j'ai rouvert le bar pour mon père un dimanche. Et mon père est parti et j'étais là. et je me suis endormi. Et je me suis réveillé, il y avait plein de gens dans le bar. Un mec qui servait, je savais pas qui c'était. J'ai dit, mais c'est quoi ce bordel? Non, mais pour de vrai. Et là, j'ai dit, non, ne jamais venir au bar bourré. Voilà. Ça, c'est vraiment une anecdote de connard. C'est ça, on apprend à vivre avec la vie, ouais, c'est vrai. Même si la vie n'est pas toujours belle, mais profitons des bons moments. Oui, alors, bon, bah, c'est vrai que... Puis je le dis pour tout le monde, hein, c'est pas que pour mon fils et pour pas ma petite famille, mais c'est vrai que finalement, dans la vie, vous, tout ce qui se passe à l'heure actuelle, d'autant plus qu'on vit dans un monde tout à fait désaxé, je suis désolée de le dire, dans un monde de violence, et qu'il devient de plus en plus, malheureusement. Mais il faut toujours garder de l'espoir. Et puis, bon, il faut essayer finalement de... Pour s'en sortir et pour garder le moral, et ben je crois, parce que la vie est dure, hein, elle est beaucoup plus dure qu'on ne le pense, hein, pour tout le monde, hein, c'est pas que, hein, c'est tout le monde à son lot. Mais voilà, et ben nous, dans la famille, c'est la musique, aimer danser, aimer chanter. Depuis tout petit, que ce soit son frère et que ce soit donc Christophe, j'ai un autre fils donc, qui a 50 ans, lui il en a 47, et ils ont été élevés vraiment dans la musique, on peut dire, hein, dans la danse, tout ça. Vraiment, c'est ce qui a fait de toi tout ce que tu es, de toute façon. Hein, que ce soit dans ton métier d'animateur, d'éducateur, d'avoir tenu ce lieu social, de faire du social. Hein, et ton frère aussi, puisqu'il joue pas mal d'instruments de musique, c'est pas le même style, mais bon, il est quand même à fond dans la musique aussi. Il joue dans pas mal d'orchestres, hein, joue dans 3 orchestres. Et ça, c'est ce qui sauve la vie. Je vous dis franchement, c'est ce qui sauve la vie. Et puis, j'ai une autre chose à dire, c'est vraiment pour les jeunes à l'heure actuelle. Hein. Voilà, je peux dire que vraiment mon fils a eu 10 ans de galère dans sa vie, mais vraiment de grosses galères que je souhaite à personne, d'être traqué jour et nuit, traqué, harcelé jour et nuit. Il n'y a pas eu que lui, même les parents, moi, j'étais harcelée, coincée dans une voiture, mon mari aussi. Donc voilà ce qu'on subit. Donc il n'y a pas de justice. Ceci dit, il faut quand même y croire, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et tout ce que je dis, eh ben, aux jeunes qui sont un petit peu désœuvrés, essayez de vous trouver quelque chose qui vous plaît, à vous rattacher. Ne jamais, jamais baisser les bras. Donnez-vous les moyens, même petits. Moi, mon fils, il a commencé sans rien, sans argent, juste sa paye d'éducateur. Donc, il a continué à travailler en tant qu'éducateur pour pouvoir ouvrir ce lieu. Là, il s'est vraiment fait tout seul, financièrement et tout. Vraiment, vraiment, vraiment, c'est un projet qu'il a, et comme tous ses projets d'ailleurs, hein, il faut quand même le dire aussi, et je pense que c'est ce qu'il a toujours sauvé. Et de rester dans cette ambiance, finalement, bon, il a des à côté que j'apprécie pas toujours, mais bon, c'est comme ça. L'essentiel, c'est qu'il perde papier, et puis bon, bah, qu'il reste quand même naturel, comme il est, parce que c'est quelqu'un de très gentil, c'est vraiment, il a un bon fond, et je pense que tous ses amis, là, tous les gens qui sont ici, je remercie Caro, je remercie Jean-Luc, je remercie Jérôme pour tout ce que vous avez dit, parce que c'est tout à fait vrai, vraiment, ça correspond vraiment à lui, et c'est vraiment quelqu'un qui a un grand cœur, et pour avoir ouvert un lieu comme ça, parce que c'est pas facile, croyez-moi, c'est pas facile, ni pour lui, nous, ni pour nous parents, parce que ça fait faire quand même du souci, hein. Mais n'empêche qu'il s'en est très, très bien sorti, je pense. Là, c'est vrai que maintenant, il fatigue. Vous le voyez. Hein, il a besoin vraiment d'arrêter. Et puis, les circonstances de la vie le font aussi. Hein, parce que c'est pas facile en ce moment. Hein, ni le quartier, ni quoi que ce soit. Voilà. Et la vie actuelle, hein, malheureusement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Mais bon, il faut essayer de garder espoir dans tous les domaines de la vie. Et pour les jeunes, justement, eh ben, accrochez-vous. Croyez à vos projets. Essayez de vivre plein d'espoir dans la vie et de pas vous laisser désorienter dans la délinquance, parce que voilà, donc on peut tomber dans la délinquance quand on a de gros soucis comme 10 ans d'harcèlement, je peux vous dire que ça, on peut basculer. Et pour pas basculer, il faut beaucoup beaucoup beaucoup de courage, beaucoup de volonté. Il faut quand même qu'ils aient une bouée de secours, ces gens-là. Alors je m'adresse quand même aux parents aussi, je suis désolée, parce que les parents aussi, ils ont leur rôle à faire, d'être toujours là pour leurs enfants, hein, quoi qu'il arrive. Même si quelque chose ne va pas, et dire quand ça ne va pas, dire les choses. Si ça va bien, dire les choses. Il faut vraiment se parler entre nous. Et puis je remercie vraiment tous les gens, toute la clientèle qu'il a eue jusqu'à présent, parce que vraiment, même avec moi, vous avez été des gens extraordinaires, avec mon mari et tout. Vraiment des gens extraordinaires. Je ne peux que remercier vraiment tous ces gens-là. Donc avec Jean-Luc, yeah. Tout ça, voilà. Et puis à Radio Duo, parce qu'ils lui ont donné quand même sa chance, il continue toujours, donc, et ça lui plaît énormément. Donc il a beaucoup de soutien autour de lui, j'espère qu'il les gardera longtemps. Et puis ben, je te souhaite bon courage, réussir toujours tes projets, et de rester quand même tel quel, même si t'as des défauts, des qualités. Tu sais que les mauvaises expériences parfois aident beaucoup dans la vie. plus même que parfois que les bonnes. Voilà. Yes, bon courage à tous. Merci à tous. C'était le moment émotion sur le 895 de Radio Dio. Toi, tu voulais rajouter un truc? Ouais, moi, je voulais juste te dire qu'il va réussir un truc pif quand même, parce que si le pire est possible, et malheureusement, je pense qu'il faut qu'on prenne au sérieux là, ce qui s'est passé ce week-end, et qu'il va falloir se battre pour que les fachos, ils n'arrivent pas au pouvoir. Ça, c'est clair. Et je crois qu'il faut vraiment, même s'il y a des gens qui ne votaient pas, il faut aller voter. Je sais qu'ici, dans ce bar, il y a des gens qui ne votent pas, mais il va falloir y aller. Il va falloir y aller, ça, c'est pas une blague. Mais il aura quand même réussi un truc, c'est que le bar, ben, les fachos, ils ne l'auront pas, parce qu'il arrête juste avant. Donc ça, si jamais le pire arrivait, et malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça ne peut pas arriver, eh ben, lui, il aurait fermé juste avant. Donc c'est au moins un bar qu'ils n'auront pas. Mais en tout cas, il ne faut pas qu'ils viennent, voilà. Et toujours dans cette question... Geronimo. Et toujours dans cette question, finalement, là, après le démineur, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi alors après? Eh ben, je suis agriculteur à côté. J'ai passé mon diplôme en après les histoires des flics. Ben, quand c'est la dernière incarcération en 2008, j'ai dit là, je sors de prison et ben je vais me remettre à l'agriculture. Voilà. Alors ce qui m'avait mis à l'agriculture, je peux le dire, moi j'ai rien à cacher. Je faisais pousser du cannabis. De toute façon, tu déballes. J'adore la terre. Tu déballes. Non mais je déballe tout. De toute façon, tout le monde sait tout. Même les flics, ils savent tout. Et la rigueur, je m'en branle. Mais voilà, du coup, remettre les mains à la terre, j'ai vécu dans des fermes, 2-3 fermes, et ben de remettre les mains à la terre, à un moment, je me suis dit, mais ça sert à quoi de faire pousser du cannabis? Bah, pas grand-chose. Du coup, j'ai commencé à faire pousser des tomates, des légumes, des choses que ça me donnait à manger, du coup, et des fruits rouges. Voilà, et du coup, là, je suis en train de monter un jardin pédagogique et culturel sur Saint-Genès-l'Hers, du côté de Condamine. Ça fait 15 ans que j'y bosse dessus, en même temps que le démineur. Hein. C'est pour ça que j'ouvre plus que 4 jours depuis l'année dernière. Et du coup, bah, je prends mon temps maintenant, et je pense qu'après le 30 juin, je vais au moins prendre mon temps pour la campagne, tranquille, pépère, décontracté. Et puis, voilà. Alors, il y aura peut-être moins de musique, parce que quand je suis au jardin, c'est vrai que j'écoute pas de la musique. J'écoute les oiseaux, j'écoute la nature, j'écoute ce qui me fait vibrer, en fait. Je crois que c'est vraiment la nature et mes parents. Yo. Et à la fin, du coup, de cette aventure-là du démineur, finalement, toi, Christophe, toi, tu ressens quoi? Et je sais pas, moi... Triste d'arrêter, content que ça s'arrête, hâte de commencer autre chose. Non, je suis pas content que ça s'arrête, mais j'avais dit 5 ans. Moi, j'ai jamais fait un boulot plus de 5 ans. Là, ça fait 7 ans, parce que j'avais vendu il y a 2 ans, bon, ça s'est pas fait. Après, moi, c'est pas l'argent, j'ai tout créé, donc voilà. J'ai réussi à me sortir un salaire. Bon, j'ai offert beaucoup de canons, j'avoue, mais bon, moi, c'est l'esprit d'un bar, tu vois. Moi, j'ai connu les bars, tu vois, ils me disent, oh, tu vends des œufs, il n'y a que toi. Ben ouais, mais c'était ça, l'esprit des bars. Un petit œuf, ça cale, et puis c'est, voilà, t'es trois, tout le monde prend une tournée, ben, je paye ma tournée. Enfin, pour moi, c'est de la logique. Alors, c'est vrai que les bars impersonnels où il y a 3-4 serveurs, ça marche pas. Hein. Pour moi, un vrai bar, t'as un patron, un taulier, et basta, quoi. Soit il est cool, soit il n'est pas cool. Et moi, d'ailleurs, je vais dans les lieux où je me sens bien. Je peux citer les lieux, ils sont au guide des routards. Le Thunderbird, la brasserie La Canaille, enfin, je peux vous en dire d'autres. Hein. L'entrepôt café, voilà, tout le monde est différent, mais Daniel, ça fait quand même 32 ans qu'il fait du rock'n'roll, qu'il fait des concerts, et ça, c'est pas négligeable. Il y avait le Sporting avant, même si maintenant, c'est devenu un peu de la merde, faut le dire aussi. Moi, je dis les choses, excusez-moi. Mais en tout cas, voilà, il y a des gens qui font vivre des lieux, et moi, j'adore ça, j'adore ce côté où on est vivant et on peut se retrouver à un endroit et discuter, et rigoler et faire la fête, boire des canons ou pas, parce qu'on n'est pas toujours obligé de. Enfin, moi, en tout cas, je crois que mes meilleurs brinques, c'est pas forcément quand j'ai bu, c'est quand je me sens bien avec les gens et qu'on est cool, quoi, qu'on est parti dans un délire à rigoler toute la nuit, et il n'y a pas besoin de boire pour tout ça. Yeah, et ben 895 Radio Dio en direct du démineur. On finit avec un dernier morceau et après ça enchaîne avec Pata Negra en live and direct du démineur. Et après ça sera l'émission La France Pue à 9h. On finit par un dernier morceau. C'est quoi le dernier morceau? Red Bong. Il veut même plus parler on dans le micro. On finit avec Red Bong alors on du finit coup. Avec Red non, Bong. C'est une petite dédicace à Fab qui a joué il y a pas longtemps chez moi un dimanche à Valanche. Et voilà, moi j'ai toujours aimé les groupes de Saint-Etienne et Red Bong, ils avaient fait leur truc à eux. Mais je trouve que voilà, il y a des groupes comme ça qui méritent qu'on les écoute sur les ondes de Radio Dio. Et ben on finit par un énorme big up pour ces 7 années au démineur. Et merci pour l'accueil pendant ces 7 ans. Et ben, en tout cas, merci à vous. Merci d'être là. Franchement, parce que c'est vrai que ça fait 7 ans que je vous taquine. Je m'étais dit, si je ferme, et à un moment, j'aimerais bien que Radio Dio vienne au Démineur, et vous l'avez fait. Merci. Yeah. Et sinon, on pourra retrouver Piv, du coup, tous les mardis soirs, de 18 à 19h, dans le retour de la guinguette sur le 895 de Radio Dio. Alors ça, c'est moins sûr, on en reparlera. Ah, merde. Non, mais là, j'aménage mon terrain tout cet été, et je pense que là, j'ai fait mon passeport, je pense que je vais me prendre un petit moment à moi de voyage. Donc après, ce sera le retour du retour de la guinguette. C'est ça. Ça va être plus long à dire, mais ça se fera. Yeah. Je ne supporte plus ton air médisant, ta façon d'être et ce ton méprisant. Cette suffisance qui caractérise ton propos, de t'entendre chialer parce que tu payes trop d'impôts. Redescends 5 minutes et écoute-toi parler. Tu penses plus qu'à ta gueule, mis à parler. Rare fois, tu donnes, faut que les gens le sachent. Mais le compte au caïman, c'était sinon des gens se fâchent. Y'a toi le militant de la droite décomplexée qui dit partir en Suisse estimant que t'as bien travaillé. Vas-y, pars vite, mais ne te retourne pas. Laisse donc ta carte vitale, puisque tu veux faire choix de l'exil fiscal. Moi je m'en bats pas mal, on sera bien plus tranquille sans la présence de ces trous de balles qui se disent gardien de corps, du fric et de la morale, et qui s'empiffent sur le dos de ceux qui crèvent la dalle. Mais parlez-vous, mais cassez-vous, on fera son tour. Gardez vos sous, on s'en fout, ne revenez pas du tout. Et surtout étouffe-toi avec ta thune, l'oncle Pip. Passe pas la caisse, on sait bien que je gagne un fric. Mais parlez-vous, mais cassez-vous, on fera son tour. Gardez vos sous, on s'en fout, ne revenez pas du tout. Et surtout étouffe-toi avec ta thune, l'oncle Pip. Passe pas la caisse, on sait bien que je gagne un fric. Bernard Bartois, ici bas pour toi, y'a pas que toi, y'a pas que moi qui suis saoulé par ton sale patois. Mais casse-toi, casse-noi, ou alors tu casses clade. Casse pas sans toi, ce sera mieux qu'avec la droite se délègue pendant que l'état s'élite. Machiavélique intellect se met du côté de l'élite. Renvoie donc les 22, tous ces types viennent tromper. Les copés, les Bertrands qui prennent la défense des multimillionnaires qui s'arrachent. 64%, 64% GLVMH. La vie est moche pour ces pauvres riches. On en veut à leur poche car fiscal est la niche. T'inquiète pas, on en veut pas. Tes encours maintenant cours. Si tu vas briller comme Bettencourt, barrez-vous. On veut pas de vos ronds, on veut pas de vos miettes. Dehors, les grands patrons, les chanteurs de merde. Mais barrez-vous, mais cassez-vous, on fera son tour. Gardez vos sous, on s'en fout. Ne revenez pas du tout. Surtout étouffe-toi avec ta thune, l'oncle Pip. Passe pas la caisse, on sait bien que gagne un fric. Mais barrez-vous, mais cassez-vous, on fera son tour. Gardez vos sous, on s'en fout. Ne revenez pas du tout. Surtout étouffe-toi avec ta thune, l'oncle Pip. Passe pas la caisse, on sait bien que gagne un fric. Des primes, des bonus, des actions, des stocks options, des coutumes, des sus. On vient prôner ton expulsion, ça épate la galerie. Jouer l'expat de par deux, rafale de phalange dans le gros pif à deux par Dieu. Barre-toi, con de riche, arrête ton char bénur, tu nous prends pour des quiches. Mais t'imagines quoi, nous faire pleurer quoi. T'es à la rue depuis qu'on l'a dépassé. Arrache ta merde d'ici, ou alors tu décides à couper le cake et pas nous jouer le coup du suicide. Moi et mon PEL, ça nous fait pas trop s'esclaver. Mais s'esclamer, pourquoi tu cherches à te faire baffer. Travail, famille pourrie, te caractérise. Je ne crois pas en la blague que tu as nommé la crise. Tu vois de la merde quand tu nous regardes d'en haut. Mais d'en bas c'est des trous ducs que l'on observe du caniveau. Mais barrez-vous, mais cassez-vous, on fera son tour. Gardez vos sous, on s'en fout, ne revenez pas du tout. Surtout